indépendance, cha cha, tous oubliés. Au Kipwanza, cha cha, tout va kiné. Au table ronde, cha cha, va gagner. Au Nipanda, cha cha, tous oubliés. Indépendance, cha cha, tous oubliés. Au Kipwanza, cha cha, tout va kiné. Au table ronde, cha cha, va gagner. Indépendance, cha-cha, tous oubliés.